so many times, I cannot count this. I was in jail many places. Washington, D.C., to Virginia, Maryland, Wisconsin, South Dakota, Colorado, New Mexico. Sir, what kind of feather is this? That's an eagle feather. Do you have any tribal card or anything to have this? So when the soldiers came back, nobody wanted to give them a job. Were you in Vietnam? Yeah. Next. I didn't have a job. And I didn't have anything else to do. I want to make my cash, live my life. Every time I was ever arrested, they took a picture of me. And if I get all these pictures together, I can see myself from the evolution of my life through the police station. I was in about 3 or 4 days ago to see if I could get a copy of a mugshot. Your mugshot. Why do you want your mugshot? What's this? It's a peace pipe. What do you smoke out of this peace pipe? And so I think to go to every police station I was ever at and collect these photographs. This is not a fashion shoot, man. C'est l'histoire d'un Indien. Un Indien plutôt jeune, pas vraiment vieux. C'est l'histoire d'un Indien qui fait démarrer une bagnole. Et on le voit se faire arrêter par les flics. Et il raconte qu'il s'est fait arrêter avec sa gueule d'Indien un peu partout en Amérique. Et que ça va jusqu'à lui demander s'il a la carte d'identité adéquate pour se balader avec une plume d'aigle sur lui. On l'emmerde, quoi. Cet Indien. Et son idée, en fait, c'est de retourner partout où il s'est fait arrêter parce que les flics ont pris énormément de photos de lui, de toutes ses arrestations, et il a une idée de vouloir retrouver toutes ces photos parce qu'il dit qu'avec toutes ces photos, on peut retracer toute sa vie. Alors, il n'avait pas de travail et il est parti dans ce projet-là. Oui, moi, ceux qui font grève, je serai toujours avec eux. Oui, je suis pour que les gens rêvent, car c'est souvent pour un mieux. Seulement, j'aimerais tout de même qu'ils le fassent modérément. Sinon, c'est pas la peine, ça ne cause que des emmerdements. Encore l'autre jour, comme attendais chez des amis pour l'apéro. À la gare, dans les micros, il y en avait que pour les cheminots. Tant et si bien que finalement, j'ai rien compris à ce qu'ils disaient. J'étais pas sur le bon quai quand mon train est parti. Oui, moi, ceux qui font grève, je serai toujours avec eux. Oui, je suis pour que les gens rêvent, car c'est souvent pour un mieux. Seulement, j'aimerais tout de même qu'ils le fassent modérément. Sinon, c'est pas la peine, ça ne cause que des emmerdements. Encore l'autre jour, qu'il me fallait un timbre, c'était urgent. Il y avait écrit noir sur blanc, fermé momentanément la poste pour cause de grève du personnel. Y en a marre du courrier en retard, j'ai envoyé un mail. Oui, moi, ceux qui font grève, je serai toujours avec eux. Oui, je suis pour que les gens rêvent, car c'est souvent pour un mieux. Seulement, j'aimerais tout de même qu'ils le fassent modérément. Sinon, c'est pas la peine, ça ne cause que des emmerdements. Encore l'autre jour que j'allais conduire mon fils à l'école, ma femme dit range ta bagnole, ton fils a la rougeole. J'ai dit mon fils, il ne va pas s'y mettre aussi à faire grève. Mais papa, j'ai la crève, t'iras à l'école, t'as compris. Car moi, ceux qui font grève, je serai toujours avec eux. Mais ceux qui simulent la crève, ça c'est pour rester au pieu. C'est tout de même pas des exemples à montrer aux enfants. Imaginez comme mon cœur tremble, mon fils manifestant. Selon le Conseil international des aéroports, il y a actuellement, c'est la question posée, combien d'aéroports commerciaux dans le monde? C'est-à-dire ceux qui accueillent les avions de ligne, de fret et d'affaires. Réponse. Dans le monde? Je veux dire 100 000. Je veux dire 150, mais ça, c'est un chiffre comme ça. Bah, j'essaye de réfléchir au nombre de pays qu'il y a. Donc, dans chaque pays, il y a plusieurs aéroports commerciaux. 500. Je sais que sur Paris, il doit y en avoir déjà. Il y a Orly, il y a Roissy, le Bourget. 600. Si c'est 122 en France, avec 180 pays dans le monde, en sachant que les États-Unis, il y en a un sacré paquet. Je sais pas, ça se compte probablement en dizaines de milliers. 10 000 au moins dans le monde. Allez, 10 000. 1000. Bah, je dirais 15 000. Il y a actuellement 17 678 aéroports commerciaux dans le monde. Maintenant, si l'on comptabilise l'ensemble des aéroports, aérodromes, terrains d'aviation civile et militaire dans le monde, le chiffre grimpe à 41 788. Si l'on prend en compte les 200 pays reconnus par l'ONU, cela fait une moyenne de 209 aéroports par pays. Naturellement, ce sont les États-Unis qui ont la plus forte densité d'aéroports au monde. Ah, tu peux rentrer à l'intérieur, regarde. On en a pour une petite minute. Voilà. Il y a la radio. Tu veux que je l'éteins ? Allez, le son. Juste couper le son, c'est bon. Israélo-palestinien. Et puis le terrorisme, l'immigration, l'aide. En tant que chef de la diplomatie européenne, avez-vous des preuves ? Voilà. Super. Merci. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un contrat de quartier qui concerne le quartier des Marolles ? Ah non, je ne suis pas au courant. Non. Un contrat de quartier, c'est-à-dire un contrat, je ne comprends pas. Non, je comprends pas. Est-ce que vous... Grosso modo. Je ne savais pas, je ne suis pas au courant. Non, je n'ai pas au courant de ça. Mais non, mais prochaine occasion. Hein. Ok, merci. Merci. Bonne journée. Merci. Bonjour, est-ce que vous habitez le quartier ? Bien sûr. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un contrat de quartier qui concerne le quartier des Marolles ? Un contrat ? Un contrat de quartier. Je ne sais pas comment on dit en irlandais. Durzam, Wake... Contrat de quartier. In French, how do you call it ? Oui. Oui. Il y a déjà plusieurs réunions, je crois. Deux ou trois réunions. Ouais. C'est ici, à Rio, hein. Nous avons été à la première, et puis bon, ils ne savaient pas trop quoi, et puis ils ont fait une deuxième. Là, on n'a pas su aller, malheureusement, et puis la troisième, je n'ai pas été non plus, quoi, parce que bon... Non, pas du tout. Et c'est passé quand ? C'est en cours, et ça va courir pendant encore 7 ans. Est-ce que vous habitez le quartier ? Oui. Il y a longtemps. J'ai entendu vaguement. Tu as entendu vaguement, tu as entendu comment ? Dans les boîtes aux lettres, dans les dépliants. Est-ce que vous avez été mis au courant ? Non. C'est la vérité, je ne suis pas au courant. Est-ce que vous habitez dans le quartier ? Oui, j'habite dans le quartier. Moi, je trouve que c'est un petit peu bête, parce que c'est pas comme ça qu'on fait passer le message. Mm. Autrement, je préfère que, voilà, il y a des gens qui passent comme vous, moi, vous m'interviewez et vous posez des questions, comme ça on peut savoir plus sur ce contrat-là de quartier. Et c'est quoi les activités qui veulent faire ? Surtout la propreté. La propreté et la vie dans le quartier, quoi, pour améliorer la vie dans le quartier. Voilà. C'est l'argent du contribuable qui est utilisé à tout et n'importe quoi, non ? Dans les grandes lignes, le réaménagement du quartier, mais j'avoue que plus en détail, non. Oui, mais rénover quoi ? Les maisons, les rues, de quoi rénover quoi ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, elle a raison. Moi, je suis né ici. Madame, elle habite avec moi depuis 20 ans. Moi, je suis né, je suis un vrai marolien, parce que les Marolles, c'est Grimont Serrain. Parce que moi, ils viennent nectes devant Bruce, ils viennent nectes devant le Marolles. Hein. Moi, je peux en parler, parce que mes parents ont tenu 40 ans biscuit dans les Marolles. Maintenant, j'habite rue des Renards. Mes pieds, s'il vous plaît. Ouais. Vous savez ce que c'est, un contrat de quartier ? Contrat, non, je ne connais pas. Okay. C'est quoi ? Absolument pas. Vous en avez entendu parler par quel billet ? Par le biais des gens, voilà, qui en parlent, sans plus. Et ils en disent pas ? Des qui trouvent ça bien, d'autres qui trouvent ça pas bien, donc voilà. J'attends de voir, comme tout le monde, un tout petit peu. Est-ce que vous savez ce que c'est, un contrat de quartier ? Ah oui. Oui, mais contrat, vous saisissez de quoi ? Hein ? Un contrat qui concerne quoi ? Oui, c'est quoi ce que c'est un contrat de quartier? C'est la ville et la région de Bruxelles-Capitale et la ville de Bruxelles qui vont investir de l'argent dans la rénovation, dans la redynamisation, comme ils disent, du quartier. Donc ça implique évidemment surtout les habitants, mais aussi en grande partie les gens qui y travaillent, les commerçants, et en l'occurrence ici les marchands du quartier. Et ils sont censés mettre les habitants au courant, que les habitants sont invités à participer au débat et à la prise des décisions. On connaît la participation en Belgique. On te pose des questions, on te demande ton avis, mais de toute façon, ils gardent le leur. Et comment est-ce que les responsables d'un contrat de quartier pourraient faire pour donner envie aux gens de participer? Je sais pas. En incluant peut-être les gens dans l'idée que c'est leur quartier, que c'est leur rue. Est-ce que vous vous êtes senti invité à participer au débat et à donner vos idées par rapport à justement comment va se dérouler le contrat de quartier, ce qui va être appliqué? Donner nos idées, pour ma part, non, pas vraiment. Non, on a plutôt reçu une information nous disant qu'il y allait avoir un nouveau contrat de quartier, qu'il y aurait une enveloppe d'OTAN, qu'il y aurait des projets. Donc plus ou moins, on va dire. On a plutôt eu l'impression que c'était déjà fait, quoi. Mm. Voilà. Et que c'était plutôt pour la forme qu'on nous proposait de donner notre avis, quoi, en fait. Parce qu'ici, on nous invite, d'accord, on y va, mais on est assis sur la chaise et on écoute ce qu'ils nous disent, et puis c'est au revoir, merci, et on sait toujours rien de plus, quoi. Donc c'est ça, je voudrais qu'ils investissent plus les gens et disent aux gens, voilà, on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais ça ne se fait presque pas, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'investir, hein, dans le quartier, qui veulent venir aux réunions pour justement savoir ce que leur quartier va devenir, mais voilà, quoi, les gens ne donnent pas leur avis. Et on se demandait si vous vous sentiez invité à participer au débat ou pas. Non, pas du tout. Puisque vous n'êtes pas au courant. Non, je n'étais pas au courant du tout, non. Et je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant non plus. Donc non, je pense pas. On n'est vraiment pas invité au débat. Non. Donc voilà. Ben super, merci beaucoup. Et au revoir. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est Pavé dans les Marolles qu'il a réalisé. Pavé dans les Marolles, c'est un réseau informel de connaissances noué autour de la plateforme Marolles qui s'est battu contre la construction d'un parking sous la place du Jeu de Balle, souvenez-vous. Pavé dans les Marolles, c'est un petit journal gratuitement distribué dans une cinquantaine de lieux du quartier, un site à consulter, une page Facebook ou s'abonner, fait par des habitants et usagers qui ne partagent pas toujours les mêmes idées, pour raconter, pour s'amuser, faire des pieds de nez et ne pas s'en laisser compter par les contrats de quartier. Est-ce que je peux donner ton prénom? Oui, bien sûr. Tu es à l'aise avec tout ça? Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, tu t'appelles Nikos? Nikos. On est ici, c'est pas au Parvis, c'est à la place Bethléem à Saint-Gilles. Vous savez, les petits os, là, c'est un peu la spécialité. Le quartier des petits os, les grillades grecques. Voilà. Et nous, on se rencontre, Nikos? Nico ou Nikos? C'est la même chose, Nico, Nicolas, Nikolaos, c'est la même chose. Nikos, alors moi j'aime bien Nikos. On se rencontre pour quelque chose qui n'est pas du tout marrant pour toi, puisque tu es aussi propriétaire de la friterie Fontenas en bas, là. Oui, oui, exact. Et elle a été démontée, voilà. Elle a été démontée, cette friterie. Alors, moi j'aimerais bien que tu expliques l'origine de ces friteries, ça fait combien de temps qu'elle est là, etc. Et de voir comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, on te l'a carrément cassée, même, non? Oui, oui. On te l'a démolie, quoi. Tu ne peux plus remonter cette caravane, tu ne peux plus dire... C'est fini, elle est morte. Pour moi, elle est morte. Hein. On a investi 80 000 euros sur ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à récupérer. Une fois le démontage fait, je pleurais. Mais comment c'est possible que la commune se permette de casser cette friterie qui est à toi? Ça, je comprends pas. Comment c'est possible, ça? C'est pas ma première expérience. Je m'attendais avec la commune des réactions pareilles. Donc, ils ont le pouvoir de le faire. Maintenant, c'est à nous, le petit peuple, à demander pourquoi on s'est battu jusqu'à la fin. Et maintenant, ils doivent rendre des comptes Non mais Nikos, on peut pas casser, on peut pas casser les affaires des autres, même s'ils se trouvent pas à un bon endroit. Enfin, ça je comprends pas. Enfin, explique-moi. C'est infaisable. Je peux pas l'expliquer. C'est infaisable. C'est infaisable. On s'attendait pas à une tuerie pareille. C'est infaisable. On peut pas venir et vous jeter d'or et casser votre bien. C'est de l'impossible. On s'est battu 45 ans, mes parents, ils sont ici. Nous, on est à la Portiale depuis les années 94. Ça fait combien d'années? Ça fait déjà un petit paquet, ça. Ça fait 23 ans. En 2000 quelque chose, on essaie de nous chasser. Et... Hop, voilà, petite coupure de courant, on reprend. Mais peut-être ce qui serait bien, Nikos, c'est que tu... Donc voilà, tu expliques que tu es du côté de la Porte de Halle depuis 23 ans. Tu débarques quoi Tu débarques de Grèce? Non, pas du tout. Nous, on est là les années 70. Et on a commencé à la guerre de Midi. Il y a eu des travaux sur la guerre de Midi devant Tintin, devant le rond-point. Il y a eu des travaux, on a circulé à gauche, à droite, 5-6 fois. Pour finir, la commune a dit « cassez-vous ». Attends, je comprends pas en fait, quand tu dis « cassez-vous », mais quoi, vous faites quoi? Il y a une friterie alors? Mais explique-le, parce que sinon on comprend pas. Voilà, il y a eu des travaux et on doit bouger. On doit prendre notre matériel et partir, sans aucune autre solution. Donc de là, mon père il s'est battu, il a obtenu une petite place vide que la commune lui a donnée à la barrière de Saint-Gilles. Au-dessus alors? Oui. 2 ans on a mis pour vendre un paquet de frites. C'était mort la barrière. Mon père a créé la barrière, il a créé la mitraillette, nous sommes les créateurs de la mitraillette. La barrière elle a été créée à cause de nous. C'est quoi la mitraillette pour ceux qui ne savent pas? C'est le pain avec un bout de viande et beaucoup de frites. Donc que ce soit une brochette, que ce soit un hamburger mitraillette, que ce soit... Je me souviens, j'allais chez mon papa, je dis papa comme d'habitude, hein, du pain avec une grande brochette et des frites. Et il y a un ami qui m'a dit, ah, c'est ici qu'il faut prendre le... Ah, on va appeler ça la mitraillette. Et c'est sorti la mitraillette. Georges, une mitraillette. Et c'est sorti la mitraillette. Donc nous sommes les créateurs de la mitraillette. La barrière de Saint-Gilles, c'est nous les créateurs. On est en quelle année là? Barrière de Saint-Gilles... Ou moins quoi, on est en quelle année? Parce 80, que tu dis que c'est désert. 82 ou 83. Donc c'était tout au début. Nous, tu dis que c'est 2 ans pour vendre un paquet de frites. 2 ans, mon papa, il a mis avant de vendre des frites là-bas. Parce que les gens, ils ne savaient pas qu'ils s'étaient mobilisés là-bas. Donc mon père, il a patienté jour et nuit. Il a patienté et il a regroupé ses clients. Et les gens, ils ont appris qu'il est monté à la barrière parce qu'il a été jeté à la gare de Midi. Et heureusement, il a repris son clientèle. Et tous les sorteurs de la nuit, ils se sont habitués à aller chez Georges. Dès là, il s'est fatigué, ma maman était fatiguée aussi. On est descendu à la friterie Fontanas. On a vendu la Porte de Halle et on a pris la friterie Fontanas. Pourquoi vous avez changé? Il y avait trop de travail. Mes parents, ils n'en pouvaient plus. Il y avait vraiment énormément de travail. C'était full non-stop. La friterie, quoi? La friterie barrière. Après avoir... tu disais au début que ça ne marchait pas. Là, après, ça, c'est devenu vraiment l'endroit où on venait manger les frites, quoi. On a fait une usine avec ça. Moi, je me souviens, j'ai transporté à cause des frites. J'ai travaillé une demi-journée là-bas et je transportais les frites avec la petite forte de mon père. Et je me souviens, c'était des bacs et des bacs et des bacs. C'était non-stop toute la journée. On avait un dépôt et on faisait des dizaines de bacs, etc. Mais à un moment, mes parents se sont fatigués, nous aussi. Ils ont voulu se reposer. Ils se sont reposés 1 an et de là, on a pris la Porte de Halle. Mais là, je comprends pas pourquoi vous avez pas, pourquoi vous avez pris la Porte de Halle. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas resté à la barrière. Parce que tu dis on est fatigué, ok, mais je vois pas. Enfin, c'était tout un problème de la commune. Donc mon père l'a pas tellement expliqué aux gens. Il y a une augmentation des loyers, des trucs comme ça, etc. Et mon père, il se dit je vais pas travailler pour payer à l'État, etc. Donc c'est-à-dire mon bénéfice, je vais le donner là-bas, ça ne sert à rien. Ils avaient vraiment augmenté le loyer, etc. Alors mon père, il a préféré vendre. Okay. Et quelques mois par après, il a été à la Porte de Halle, ici. Il a trouvé la friterie de Fontanas. C'était une faillite, les gars, ils dormaient dedans. Il avait un seau de frites par jour, il vendait ça. Il avait un ketchup et une mayonnaise, c'est tout ce qu'il avait. Un lit dedans et il dormait. Mon père, il a convenu, il lui a acheté sa petite friterie. Et il a démarré à la friterie Fontanas. Et vous voyez ce qui est arrivé, ce qui est devenu Fontanas. C'est devenu la même chose qu'à la barrière. Donc, c'est-à-dire la même chose, le même travail. C'est-à-dire, elle est reconnue et réputée autant que la barrière. Maintenant, avec les années, donc mon papa il a repris ça en 94. En 2000, début 2000, quelque chose, on reçoit un papier de la commune. Monsieur Barsakis, veuillez quitter les lieux. Vous êtes sale, vous êtes déversé des graisses dans les stirputes, vous bouchez les stirputes, et il y a un manque d'hygiène, et votre friture est délabrée, et vous êtes... Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Attendez, je vais vous expliquer des A à Z. À ce moment, c'était M. Isabeau, je crois. J'ai dit, c'est très bien, je reçois ce document. M. Isabeau de la commune, alors? C'est ça. Il faisait, échevin de quoi, alors? Il faisait office bourgmestre. Ah, voilà. D'accord. Je n'ai pas très bien compris. J'ai été à l'acheteur des graisses. Je lui ai téléphoné. J'ai dit, écoute, tu peux me renvoyer, s'il te plaît, en fax, toutes mes ventes des graisses. D'accord. Deux fois par semaine, il recyclait la graisse. Il venait chercher un bidon. Donc, j'ai la preuve de mes graisses qui sont parties. Donc, ce n'est pas vrai que tu les vidais, vous les vidiez comme dans les égouts, quoi. Je ne tiens pas la route. Je leur ai démontré pourquoi. Alors, j'étais attrapé la ville, nettoyage de serputes. J'ai dit, voilà, envoyez-moi une preuve. Qu'est-ce que c'est, les serputes? Les égouts, quoi. Les égouts. Voilà. Les égouts. Ah, j'ai dit, une preuve, s'il vous plaît, que vous êtes venu une fois déboucher les égouts, ici, devant la friterie. Jamais ils sont venus, jusqu'à encore aujourd'hui, 20 ans après, jamais ils sont venus déboucher l'égout de la friterie. On le fait nous-mêmes. Donc comment eux, ils ont vu que c'était bouché avec nos graisses? C'est rien. J'ai obtenu ce document des deux, donc une avec l'huile, une avec l'esterpute. Trois, j'ai les papiers d'hygiène qui étaient passés quelques jours, malchance pour eux. Mais parler d'hygiène, mais quelques jours, mais c'est sans un truc défavorable. Donc je prends ces trois documents et je prends le document qu'eux m'ont refusé de mettre une friture nouvelle, une caravane. Et on donne ça à l'avocat et on le répond. Avec du vieux, on ne peut pas faire du nouveau. La friterie, on vous a fait deux demandes, vous avez refusé les deux demandes. Ça, c'est toi qui parles à la commune, alors? Exactement. Ils ont refusé quoi exactement? Ils me disent que vous avez une friterie qui est délabrée. Ouais, ça, j'ai compris. Et qui semble, c'est pas vrai, et vous demandez de venir voir, d'avoir les preuves, ils se bougent pas. En fait, ils racontent des mensonges, quoi. À ce que tu racontes, Nico? Donc, j'ai réuni mes preuves, j'ai pris mes deux demandes que j'avais faites à la commune pour avoir une nouvelle friterie, et je leur montre, voilà. Vous m'avez refusé la friterie. Donc je ne peux pas faire avec une vieille friterie délabrée que j'ai achetée, je ne peux pas faire une nouvelle. Moi, dès que je suis venu ici, avec mon papa, on a demandé à acheter une nouvelle friterie. Vous avez refusé qu'on rachète. Vous voulez qu'on reste avec du vieux. Mais comment on va faire avec du vieux? On ne peut pas faire du nouveau. Donc il ne faut pas me reprocher qu'il est délabré. Il ne faut pas me reprocher que je déverse des graisses. Il ne faut pas me reprocher des choses. Donc du jour au lendemain, on a obtenu raison, gain de cause. On nous a envoyé un papier, d'accord, donnez-nous un plan pour la friterie, vous pouvez racheter une nouvelle friterie, etc. Ça, c'est en 2004. Donc là, ça se passe bien pour vous, quoi. D'accord, vous restez. On a investi une centaine de milliers d'euros, une nouvelle caravane, on fait l'emplacement, etc. Donc, attends, juste une précision. La friterie, excuse-moi de ne pas te laisser parler comme ça, mais c'est pour comprendre, hein, sinon on ne comprend pas. Mais quand on dit que la friterie, elle est vieille, on parle de la caravane ou bien d'une friterie pour faire les frites? La caravane et tout son matériel, puisqu'on a racheté au bonhomme. Mais dès que mon papa il a racheté, on a fait une demande directement, racheter de nouveau matériel et une nouvelle friterie, le tout complet. Mais on nous a refusé. Donc avec du vieux, on ne peut pas faire du nouveau. On a respecté les normes d'hygiène, on a respecté la nourriture, on a tout respecté, propreté. Mais ils ont reproché que c'était délabré, ils nous ont reproché. Donc on a prouvé le contraire. On leur a montré les deux demandes qu'on avait faites, etc. Ils n'ont jamais voulu. Et pour finir, ils autorisent en 2004 une nouvelle caravane, nouveau matériel, ils nous ont tout autorisé. Et ça parce que vous vous êtes battu, vous n'êtes pas laissé faire, on est d'accord. Sinon, on était dehors. Voilà. Ils nous expulsaient. C'est important de le dire, ça. Hein. Prenez vos clics et claques, et vous ne convenez pas, vous pouvez partir. On a prouvé le contraire, c'était déjà la première bagarre après la guerre de Midi, parce qu'à la guerre de Midi, il y a eu la toute première bagarre, les années 80. Port des Halles, ça commence. Vous pouvez partir en 2003, je crois, un truc comme ça. On gagne la bataille là-bas. Ensuite, on met du nouveau matériel, ça nous a coûté une bonne centaine de milliers d'euros. Une simple friteuse ne vous coûte pas moins de 20 000 euros, juste histoire de cuire les frites. La simple caravane, elle a coûté plus de 40 000 euros, simple caravane sans rien dedans. Donc après, il y a les vitres, il y a ceci, il y a cela, il y a les planches. C'est pas une petite caravane, c'est quand même un long bazar. Hein. C'était 4 mètres sur 7. Donc après, il faut habiller la friture, et la caravane. Il faut mettre des inox, ceci, cela. Elle a coûté facilement 100 000 euros. Ensuite, en 2012, Et ils n'ont pas renouvelé, ils ont renouvelé bien sûr le truc, mais la friture n'est pas sortie aux enchères parce qu'il y a une offre tous les 9 ans. Une offre de quoi ? Plus offrant. Aux enchères, ils appellent ça. Là, je suis pas, là, je comprends pas. Comment ça ? Vous avez votre caravane qui est place Fontenas. Tous les 9 ans, il y a un appel, une offre, ils appellent ça, c'est des enchères en fait, en quelque sorte. Et les gens qui veulent surenchérir ou prendre l'emplacement, ils vont à la commune, telle date. Et... Ah oui, parce que vous louez l'endroit et du coup, tous les 9 ans, on remet cet endroit où est la caravane libre pour les autres. C'est ça que ça veut dire ? C'est ça. Mais à partir du moment qu'on vous a laissé investir en 2004, donc vous ne pouvez pas jeter le matériel et l'emplacement et dire après 9 ans, je vais partir. Donc il n'y a pas eu d'enchère déjà. Donc ils ont laissé parce qu'ils devaient avoir des travaux. Et mon papa est décédé, ma mère a continué le bail. On ne me parle pas d'enchères ni rien du tout. Et donc on continue, puisqu'il y a des travaux. On s'est dit, on va solidifier l'affaire ou les contrats plus tard. En 2013, on m'envoie de nouveau un document, vous pouvez partir, il y aura les travaux. De nouveau, la même histoire. À gauche, à droite, on essaie de parlementer. Avec la commune alors ? Avec la commune. Et on me renvoie de nouveau un papier. Après, collège, ceci, cela... Vous avez un endroit provisoire, restez-y, on va pas nuire à votre boulot, vous pouvez rester. Il n'y a pas d'écrit, c'est un oral qu'on vous dit ça ? Il y a un écrit ? J'ai le document qui dit qu'en 13, vous pouvez rester, on trouvera la meilleure solution pendant les travaux. Donc je continue. Maman est décédée. Il y a des travaux de quoi exactement ? Alors, renouvellement du square. Depuis 13, ils annoncent ça, mais on est maintenant à 17. Donc ça fait 4 ans qu'ils disent qu'ils vont aménager ce square. 4 ans à nous, ils nous ont laissé sans document. C'est-à-dire que je ne pouvais pas les demander un document. Ma mère est décédée, j'ai continué à payer les loyers. Moi, je me suis dit, puisque je voyais... Cher le loyer ? Donc vous louez l'emplacement, c'est ça que ça ? Vous louez l'emplacement. Ça se monte à... Je peux vous dire le prix ou... Bah oui, soyons clairs. C'est 1100 euros par mois. Ouais, c'est balèze quand même. Hein ? Exactement. Pour être dans la rue... Et ne pas avoir une protection. Mais ce n'est pas ça. Et donc, on est toujours dans le précaire. Ma mère décède, elle a le bail à son nom. Je ne peux pas lui demander un bail, déjà, parce que je sais qu'il y a les travaux. Donc je me suis dit, puisqu'il y aura un emplacement, ceci, cela, je continue le bail oral au nom de ma mère, puisque le numéro de TVA et tout ça, c'est à mon nom, je suis en personne physique. Donc je ne vais pas les remuer quelque chose, puisqu'ils me reconnaissent, il n'y a pas de problème. Tout est envoyé à mon nom depuis très longtemps. Je n'ai pas de problème, je continue, je vois un échevin, je vais peut-être taire le nom. Si vous voulez, je peux annoncer le nom, c'est pas ça. Qui me promet, et tu ne bougeras pas Nico, il n'y a pas de problème, on va essayer de trouver un truc. Une solution pour que la friterie ne soit pas déplacée. Si elle doit être déplacée, tu vas aller à l'avenue Port-Déal, devant l'ancienne épicerie qui maintenant est devenue café, devant l'achat de forêt ou alors à l'arrêt du bus. Je propose une alternative. Quoi. Si voilà. Tu dois bouger, ils te proposent une autre place. Moi, j'ai précisé, des gros déplacements, la friture, ça serait un peu difficile. Pour ne pas fracasser le matos, j'ai dit, essayez que ça soit dans les environs parce qu'elle risque de ne pas supporter. Donc, on aura des frais supplémentaires. Ne pas arriver à ce terme-là. Quoi. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Elle me dit, Nico, on va trouver une solution. Et donc je reste dans cette situation précaire sans demander un bail, sans demander un contrat, il n'y a pas eu d'offre d'appel. Ils sont obligés d'envoyer une offre d'appel, ils sont obligés de la sortir aux enchères, elle n'est pas sortie. Donc si elle n'est pas sortie, elle me revient des droits. Ça veut dire qu'on est reparti pour 9 ans aussi, exactement. Non ? Exactement, et mes 9 ans, ils se terminent en 21. Donc je voudrais bien, quel est le juge ? Bien sûr, le Conseil d'État, j'ai peut-être mal fait. Mais je voudrais bien voir ce juge-là qui va dire le contraire, puisque c'est 3, 6, 9. Mais même, ils doivent vous laisser un délai. Et il y a dans les clauses, c'est bien stipulé, l'article 14, que cette feuille, nous, on ne l'avait pas. Mon avocat a très mal agi, il a très mal géré le dossier, mon premier avocat. Donc cette feuille-là, elle manquait du dossier. Et l'article 14 souligne que... Vous avez le droit de demander un emplacement précaire pendant les travaux. C'est votre droit, etc. Et ils sont obligés de vous déplacer dans le périmètre ou dans les environs, pendant qu'eux, ils font les travaux. Mais ils ont le droit de vous chasser, mais vous, vous avez le droit de demander un emplacement précaire. Donc cet article 14, nous, on ne l'avait pas. Donc c'est-à-dire qu'on s'est cassé la gueule nous-mêmes, en quelque sorte. Mais la commune, en sachant ça, elle ne devait pas le faire. Elle ne peut pas détruire 5 familles, les jeter à la rue, ni notre matériel, ni notre clientèle. Elle savait la vérité. Là, tu arrives un peu à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, et moi, ce que je comprends bien, c'est que vous êtes dans les règles, dans les lois, dans les normes. Et puis, mais comment ça se fait qu'on en arrive à venir? Parce qu'aujourd'hui, enfin, depuis 2 jours, je crois, c'est il y a 2 jours que ça s'est passé, votre caravane, on l'a carrément cassée, quoi. Oui. Alors, on l'a démolie, la commune l'a démolie. Alors, je vais vous raconter à court la meilleure. Oui. Il y a 3 mois, c'est quand ça a commencé, je vois le chemin ici en face. Il faisait encore plus ou moins beau, il était assis en face à la terrasse. Et les chevins de quoi? Des commerces. Monsieur Desbouvry. Alors je le vois en face, bonjour monsieur Patrick, ça va? Vous avez des nouvelles pour le quartier ici, pour etc. Quelque chose? Mettez un verre à Patrick, je mets une petite bière à Patrick. Et je dis de nouveau, quelque chose comme ça. Il me dit non, monsieur Barsakis, mais vous devez quitter. Je dis quitter comment? Il dit vous devez quitter, on a des travaux à au square Jacques Franck. Place Fontenas, quoi. Place Fontenas, et vous devez... Mais j'ai dit, je sais qu'il y a des travaux. On sait que c'est annoncé... Ça fait 4 ans, c'est ça, oui. Hein? Oui, ça fait 4 ans qu'on les attend. Mais vous me dites que je dois quitter. Il me dit, oui. Mais comment je dois quitter? C'est quand? Il me dit, à la fin du mois. Il restait 15 jours. Donc, j'ai dit, monsieur Patrick, je prends ma valise et je pars, c'est ça? Il me dit, oui, en quelque sorte. Mais je dis, mais j'ai 45 ans, on est là, c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est infaisable ce que vous dites. Et vous avez envoyé un document, quelque chose, je dis, pour nous prévenir. Il me dit, oui, j'ai envoyé à une dame. Je dis, comment une dame? Il me dit, oui, une certaine dame. Je dis, vous ne connaissez pas, madame, ma maman? Mais votre nom, il doit sortir. J'ai dit, directement, j'ai dit, votre bouche. Après 45 ans qu'elle a, qu'elle a grandi, combien de générations avec des frites qu'elle a aidé, combien de pauvres, qu'elle a aidé, combien de gens ici dans votre quartier? Elle était là avant vous, et vous ne connaissez pas son nom, et vous envoyez un document à elle, quand vous savez que c'est moi qui gère. Pour le loyer, vous m'envoyez le papier à moi, mais pour chasser et mettre des mises en demeure, vous l'envoyez à maman. Alors qu'elle n'est plus là. Alors qu'elle n'est plus là. Alors qu'elle est morte. Voilà, comment est-ce que vous faites ça, j'ai dit. Mais j'ai dit, écoutez, quoi qu'il en soit, et je vais monter à votre bureau, il faudra me donner le document. Je dis, je dois partir quand même, il dit à la fin du mois, c'est quelques jours, 2-3 semaines. Je dis, ça va. Je monte 2 jours après, je prends mon document. On devait quitter. Donc, ils ont envoyé un document au début 16, au nom de ma maman. Ici, j'ai rien. J'ai aucun document qui est arrivé. Ici, au restaurant. Ici, j'ai rien. Tiso. Okay. Parce que ici, c'est la maison, c'est l'adresse de tous les documents. Donc, ils ont envoyé ces documents ici, ni à la friture, etc. Mais moi, jamais ces documents. Je vais en face. Je demande aux voisins, est-ce que les voisins, je retrouve 4 recommandés. 4, pas 1 ni 2, 4. Ici, rien. C'est rien, je prends ces recommandés, parce que les gars, ils les ont dans le fond de leur boîte aux lettres, et j'ai plein de courriers qui arrivent tout le temps comme ça. Et les leurs, ils viennent chez moi, parce que je sais pas, il y a un problème au quartier. Et je vais avec ça à la poste. Je dis, est-ce que ce courrier est retourné au destinataire? Ils m'ont dit oui, monsieur, c'est retourné. Donc, comment vous expliquer que le courrier est retourné à la commune et qu'ils ne me l'ont pas renvoyé parce qu'ils savent que je ne suis pas au courant. Donc, ils m'ont laissé. Sans information. Donc, ils voulaient me déloger, quoi qu'il arrive. Donc, ils voulaient avoir raison. Mais le Conseil d'État n'a pas soutenu ces trucs. C'est-à-dire que j'étais informé qu'au dernier moment. Et voilà. Et il n'y a pas. ni préjudice, ni dommage-intérêt, quelque chose pour te défendre, toi. Exactement. Ils ont pourquoi pas... Pourquoi il y a quand même des faits qui sont là. On a abîmé ta caravane, elle est à toi. Exactement. Comment? Ils se sont mal pris. C'est qui, eux? La commune, il s'est mal pris sur ce fait-là. C'est-à-dire, on m'a prévenu que 2-3 mois avant. Non, on t'a dit 3 semaines. Oui, mais maintenant, c'est pas, c'est, 3 semaines, c'était à ce moment-là. Mais maintenant, si on calcule tout, il y a 2-3 mois, quoi, tout l'ensemble jusqu'à maintenant qu'ils nous ont laissé mettre. Tous ces mois-ci, on les a vécus dans le calvaire. Vous partez demain, vous partez les 15, vous partez les 4, tribunal sur tribunal. On ne sait pas comment faire, on ne savait pas comment agir. Peut-être qu'on a mal agi, peut-être qu'on n'a pas vu bien nos clauses, etc. Et d'après l'avocat, nous sommes en plein droit de réclamer beaucoup de choses. Ce qui nous revient, ils n'avaient aucun droit d'agir de la sorte. Ils devaient respecter notre droit de nous donner un emplacement provisoire, ne fût-ce que précaire, etc. On questionne Belliris, je vois le responsable de Belliris Travaux. C'est Belliris. Belliris et les Travaux qui sont occupés là. Je vois le responsable, je téléphone à un autre plus grand responsable, M. Barsakis, il me dit, vous dérangez pas, on va faire même l'électricité en ouvrant votre devant le trottoir, et vous dérangez pas, on va refermer le devant, et en attendant, vous pouvez rester. Eh bien, ils sont venus lundi, ils ont cassé tout le devant, ils ont refermé, et on a continué à travailler. Donc, ça veut dire à vendre des frites. Oui, donc on ne dérange pas. Là, dans ce coin-là, ils vont faire quoi? Un nouveau trottoir, au pire des cas, ils vont mettre de la verdure, etc. Ce n'est pas prévu pour faire quelque chose dont on ne dérange pas Belliris. C'est tout un programme qu'eux, ils ont imaginé, ou qu'ils ont envie de faire quelque chose d'autre, ou qu'ils ont, etc. Ou, je ne sais pas, c'est politique, je ne comprends plus rien. Mais nous chasser comme ça, ils n'avaient aucun droit de le faire. Et donc toi, même si on était les pires criminels, même si on n'aurait pas payé notre loyer, même si ci ou cela, même si fin de bail, ce n'est pas le cas parce que mon bail il arrive à 21, c'était 18, 21. Donc même si ça, on ne peut pas agir de la sorte. On doit donner une chance parce qu'on est là depuis des années et il y a des familles qui vivent. De quel droit ils se permettent de dire on va aider les petits commerçants, on va aider les petits commerces de la proximité et ceci, cela. À plein contrat de quartier, à plein réunion, on va aider et tout est marqué, tout est, etc. Et aux questions, conseils, à la commune, etc., toutes les réunions qu'il y a eu, ils ont tout été en notre faveur. Oui, on va les aider, ceci, cela. Et où sont ces réponses? Où va tout ça? La conclusion, c'est qu'on vous a cassé votre outil de travail et que voilà quoi. Et donc vous, monsieur Onikos, vous vous laissez pas faire, vous avez avocat et compagnie, donc l'histoire n'est pas finie, quoi. On attend des réponses par rapport à tout ça. Oui, oui, nous on va demander. En gros, il y a une enquête qui est faite, quoi. Oui, nous on va demander, on va demander qu'ils nous rendent compte. Hein. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Ils voulaient leur quartier, ils voulaient le square Jacques Franck libre, mais je sais pas pourquoi, parce que tous les riverains, il y a plus de 3000 pétitions qui sont signées sur place. Il n'y a pas un riverain dans les environs qui a dit non. Qui a dit non à quoi? À la friterie. Il n'y a pas... Ah oui, il y a une pétition qui a circulé. Une pétition, plus de 3000 personnes. J'ai 3 cm de papier et de pétitions. Il faut arrêter. Donc, ils n'ont pas tenu compte du riverain, ils n'ont pas tenu compte du peuple. Ils ont agi à leur tête. Et puis, bien sûr, le Conseil d'État les a aidés. Puisqu'il leur a donné raison. Il m'a reconnu en qualité donc, de successeur, moi et ma sœur, mais il a donné raison à la commune. Donc vous devez partir parce qu'il y a des travaux. Il paraît que quand on a un problème, il ne faut jamais faire appel au Conseil d'État, parce qu'il défend toujours le politique, vous voyez. Voilà, il paraît qu'il ne faut jamais... Et c'est cher et ça dure longtemps. Vous avez tout dit, voilà. Donc j'aurais dû m'informer. Mais c'est pas fini, il faut continuer. On va se battre, hein, on va demander qu'ils nous rendent compte. Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas. Qui va continuer à payer les banques? Qui va continuer à payer les traites qu'on a, les dettes qu'on a? On va les payer comment? Il faut arrêter. Hein. Ma sœur, elle va vivre de quoi? Ses enfants vont vivre de quoi? Les gens qui travaillent dedans vont vivre de quoi? Et notre surtout, on ne peut pas virer les gens comme ça, parce qu'à un moment donné, vous avez décidé de les virer, allez hop, il y a des règles, il y a des lois. Et moi, je le répète, surtout, on vous a cassé votre caravane. Je ne comprends pas que vous êtes si... Si calme. Ouais, on vous a cassé votre cabane, quoi. Parce qu'en fait, je me bats depuis des mois pour démontrer la justice. Et maintenant que c'est arrivé, on me l'a cassé. Je n'ai même pas réalisé encore, en fait. Je n'ai même pas encore réalisé que cette institution est partie. Cette friterie nous a quittés. Je n'ai pas encore réalisé. Et peut-être qu'après toute cette bagarre, je me pose et que j'ai besoin de me reposer, voir un peu plus clair. Et je ne peux pas m'emporter non plus. Mais non, mais... Mais c'est hallucinant que ce soit passé comme ça. De quel droit ils ont de faire ça, ça j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas. Mais quel toupet, quoi. Pour qui ils se prennent, je ne comprends pas. Vous êtes une friterie, quoi. Vous voyez, c'est pas comme si vous étiez. C'est une institution, c'est pas quelque chose. C'est pas une petite friterie qui vient d'ouvrir. C'est une institution. Il y a eu des frais. On n'est pas en bilan. On n'a pas de roues. On bouge pas. C'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose qui a été. On a investi pour ça. Donc on peut pas. Même si le contrat il donne 3, 6, 9, on peut pas sortir au bout de 9 parce qu'on n'a pas amorti. Et je vais vous dire encore la meilleure. Il y a quelques années, ils arrivent à vous fermer à minuit. Ah ouais. Donc, vous fermez à minuit, ils nous prennent les 50% de la recette parce qu'on travaillait bien avec la nuit. Il y avait tous les sorteurs de la côté, le fuse et tout ça. Il nous prend la moitié de la recette. Mais quoi, la commune vous prend la... Non, puisque vous fermez à minuit. Donc, automatiquement... Ah oui, tu veux dire comme ça, oui, d'accord. Automatiquement, il n'y a plus d'argent qui rentre après minuit, donc ça vous crée un trou, quoi. Ça vous crée un trou. En deux, ils donnent l'autorisation à Snack juste à 5 mètres en face. Avec des écriteaux illuminés, éclairés, etc. D'ouvrir après minuit ou rien à voir? Bien sûr, jusqu'à 7-8 heures du matin, il est ouvert. Mais non. Bien sûr. C'est vrai ce que vous dites? Non, vraiment vrai. Vous, on vous empêche c'est d'ouvrir ça. Après minuit et celui en face, c'est vrai c'est... Ouais. Mais, attendez. Quand je pose la question à M. Debouvry, à Marcus, à Piquet, le bourgmestre, le bourgmestre dit, nous on a donné les ordres, il faut fermer à minuit, une heure. Ceux qui ne ferment pas, c'est un problème de la police alors. Nous, on a donné les ordres, vous devez fermer. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on doit respecter et en face, il reste ouvert? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas contrôlé? Pourquoi est-ce qu'il y a les agents qui passent, ils nous ferment à nous et en face, ils ne ferment pas? Il faut me dire pourquoi ça a été fait. Donc, on nous enlève la moitié de notre recette avec la nuit. On nous met un snack en face, concurrence, au bout de 5 mètres. Et donc, ils nous ont poussé eux-mêmes petit à petit dans le trou. Pour finir... Ils sont venus casser. Donc, c'est une guerre froide qu'ils nous ont fait. C'est hallucinant ce que tu racontes, Nikos, parce qu'on est vraiment dans une société de business, tu vois, où les magasins peuvent ouvrir le dimanche, blabli, blabla, où il y a des règles comme ça pour le commerce. Et vous, qui êtes une petite friterie, qui essayez de vivre comme ça, aussi du caractère bruxellois, quoi. Hein, la friterie, j'imagine, on entendait parler d'elle aussi, hein, quand tu dis après minuit, après être sorti, on va se faire une frite. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est combien de clients qui venaient la nuit, combien de gens, des sorteurs qui venaient, et ils savaient, après la boîte, etc., ils savaient que chez Georges, c'était ouvert, parce que mon papa, il s'appelait Georges. C'était archi connu. C'est comme ça que ça a commencé depuis plus de 40 ans, ça a commencé. Donc, Il faut arrêter, il y a un problème réel à la commune. Et je crois que je suis trop petit pour savoir ce qui se passe à Lormagouille. Je vise personne, mais ils doivent me rendre compte. Je suis désolé, ils ont mis ma soeur dans la rue, ils m'ont mis dans les problèmes, et ils ont mis le personnel dans la rue, ils ne savent pas comment se retourner, ils ne savent pas comment payer leur loyer, ces gens-là. Et nous, maintenant, on ne saura pas comment payer notre aide à la fin du mois parce qu'ils nous ont pris notre truc, nos entrées d'argent. Il y avait très peu déjà qui venaient. Ils doivent rendre compte sur tout ça. Ils doivent. Je vais laisser ça aux mains des avocats. Et déjà, réutiliser ce matériel. De la façon qu'ils l'ont enlevé, de la façon peut-être qu'il a été reposé, je ne sais pas, ça sera de l'impossible. J'ai vu comment ça a été démonté, les coupures de câbles, les coupures de trucs, le bois derrière les armoires et tout ça, ça a été arraché. Et on ne sait plus, rien, il récupère, aucune étagère peut être récupérée, aucune table peut être récupérée, rien, mais rien. Donc, quelle est notre vie à partir d'ici à nous? Quelle est la continuation? Donc ils doivent rendre compte et essayer de trouver une solution avec les avocats ou vis-à-vis de nous. Ils doivent. Bah oui, vraiment, vous ne laissez pas faire. Hein, puis... Non, vraiment, vous ne laissez pas faire. Quoi, c'est dingue. On attend un gros soutien du peuple. On va voir maintenant comment ça va se passer aussi avec les prochains conseils communaux et collèges. Il y a le peuple qui est avec nous, il n'y a pas de problème. On va essayer de faire pour le mieux, à part les avocats, nous aussi, et voir qui décide à donner quelque chose en récompense ou des frais, ou etc., pour qu'on revienne sur nos rails. Ouais, vous pouvez rebondir, quoi, parce que là, il n'y a plus rien, il n'y a, a plus d'outils de travail. Quoi. Non, mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et ce qui reste, il est inutilisable. Aujourd'hui, une simple friteuse pour les frites à 3 becs ne vous coûte pas moins de 20 000 euros. Alors attendez, il faut réunir, il faut réinstaller, etc. Ça va vous coûter. Ça, ils vont péter, ils vont l'encaisser. Je ne sais pas de quelle façon ça on ne le sait pas approcher. Quoi. Je sais pas, ils ont agressé carrément les gens qui étaient dehors. Notre famille était là depuis 7 heures du matin. Mais ça, je n'arrive pas à comprendre. Quoi. Faut m'expliquer aussi encore quelque chose. La veille, au soir, il y a une personne qui rentre en face, au snack, et il y avait des agents qui étaient là, les fédéraux. Et en sortant de la toilette, ou quand elle était à la toilette, elle a attendu que le lendemain, il allait y avoir une descente de police. Qui a entendu ? Une personne. Okay. Donc, en face, au snack, le concurrent à nous, ouais. Direct, eux, ils savaient qu'il allait y avoir une descente chez nous. Les fédéraux, ils le savaient, ils l'ont dit à tout le monde, ils l'ont dit aux Turcs en face et aux deux établissements concurrents. Mais nous, on ne le savait pas, on a dû l'apprendre. Par les autres. Par les autres, par la fille qui est rentrée dans la toilette. Donc elle nous l'a dit. En sortant de la toilette, elle est venue chez nous, elle nous dit, voilà, demain, il se passe quelque chose, faites attention. Nous, à 7h du matin, on avait toute notre famille qui était là, les ouvriers, ils étaient là à 7h du matin. Caméraman et tout. En fait, dès que la police est arrivée, ils ont bousculé tout le monde. Ils ont bousculé les caméramans. La vieille dame qui était là-bas, elle a été bousculée. Et tous les... C'est les flics, ça, qui bousculaient. Oui. Mais il faut m'expliquer comment ils peuvent arriver à avoir un comportement pareil. De un, ils les disent aux autres. Donc tu ne peux pas, en tant qu'agent, tu ne peux pas annoncer ça autour de toi, comme quoi il y a une descente à tel endroit, ou un contrôle. Et pas du tout aux personnes concernées, c'est quand même dingue. Voilà. Donc apparemment, avec le café d'en face et les snacks, ils sont en bon contact. Je comprends pourquoi ces snacks ne ferment pas. Donc déjà, un. De deux, quand ils sont arrivés le matin, ils ont bousculé toute ma famille, tous les gens, les ouvriers, etc. Ils les ont bousculés à 7h du matin. Ils ont coupé les micros, caméras, à tout le monde. On ne pouvait pas approcher. La seule chose que je pouvais approcher, c'était pour signer les documents avec l'huissier. Parce qu'ils ont fait venir même un huissier. Il m'a dit, voilà, monsieur, vous récupérez ça dans votre voiture, ceci, cela. Ils ont ramené avec les camions, devant le restaurant ici, des tonnes de bazar qu'ils ne savaient pas. Où, donc le périssable, les coca, les viandes, et les mini-chauffages, des trucs de bain-marie, des friteuses, etc. Ils ont tout rapporté ici dans un camion. Donc, ici, place Bethléem. Oui. Donc j'ai dû caser ça, j'ai dû aller chercher un dépôt pour payer au dernier moment et pouvoir, parce que sinon je n'allais pas ouvrir mon restaurant, tout était ici en catastrophe, tout était jeté ici devant, et c'était le foutoir. Donc j'ai dû aller chez quelqu'un, demander qu'il m'apporte, qu'il me donne son dépôt à un moment, que je peux caser mon matériel. Le gros matériel, la caravane en deux pièces et la friteuse et les gros frigos, etc., ils les ont pris dans le dépôt communal. Confisqué ? Non, ça peut être entreposé pendant 6 mois à leurs frais. Mais évidemment, ils ont dit tout ça à vos frais. Mon avocat, il n'a pas la même, il ne partage pas cette opinion, c'est pas la même opinion que l'avocat. L'avocat, il m'a dit, Nico, tu ne paies rien, tu ne paies personne. Et la garantie doit te revenir de droit. Déjà de 1. Tu n'as pas demandé à ce que tu casses. Tu as été jusqu'à maintenant très correct. Tu as peut-être mal fait d'aller au Conseil d'État. Mais le Conseil d'État t'a reconnu. C'est déjà ça. En tant que successeur. Parce qu'eux, ils disaient, on n'a aucun droit, vous devez partir. C'est votre maman qui est patron. Mais le Conseil d'État m'a reconnu en qualité de successeur. Et ta maman, elle est morte en quelle année ? Il y a 2 ans et quelque chose. Ouais, donc ils essayent de te... Enfin, non, c'est même pas t'emmerder, c'est carrément te nuire, quoi. Tout à fait. Donc, maintenant, Quel est le problème à la commune? C'est politique. Peut-être qu'il y a d'autres partis qui ont pris ma défense et que c'est un parti qu'ils détestent. Peut-être qu'il y a une personne qui a pris ma défense qu'eux détestent. Je crois que c'est un peu ça aussi. Parce que j'ai eu des échos à ce sens-là. Comme quoi, il y a des partis qui ont signé, qui ont fait des signatures et des pétitions. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Mais même, que ce soit le parti gauche, le parti droite, le parti ceci ou cela, si les riverains ou ils sont à ce parti-là, si les riverains ils veulent faire une pétition, ce n'est pas à moi de leur interdire. Donc, ils ne doivent pas venir dire à ces politiques. Quand j'allais à l'urbanisme, elles commençaient à crier pour me dire « Oh, c'est politique, on ne veut rien savoir, allez voir des Bouvries !» Et quand je vais voir des Bouvries, ils me racontent tout à fait la même chose. Ils me disent « Attendez, demain il y a le conseil, je vais donner mes directives à l'urbanisme, comme ça vous allez vérifier les plans, etc. Il n'y a pas de problème. » Donc, on ne m'a jamais donné le droit de vérifier mes plans, les plans des environs. On a dû les voir qui par les ouvriers ou par les architectes des environs. Ils m'ont jamais le truc. Tous les mails que j'avais fait à la commune, aucune réponse. Ah non? Et tu demandais quoi exactement? Mais j'avais demandé, pour ne pas aller au truc des tribunaux, c'est cela, c'était possible de trouver une solution. Parce que Bernard, le président de l'UNAFRI, des 5000 fritures, donc la protection des friteuses, etc., il avait été les voir. Il y a une réunion avec madame. À la commune, hein, il est allé les voir à la commune. Voilà, avec madame Cathy Marcus et monsieur Desbouvry. Ils ne nous ont pas laissé rentrer à nous, ils ont laissé rentrer que le président de l'UNAFRI. Et de l'UNAFRI, je ne savais pas qu'il y avait un président des fritures, quoi. C'est ça. C'est reconnu patrimoine. Donc, il est monté. J'avais encore Hugues avec moi, le homme frite, le musée de la frite. Donc, on avait été chez eux, moi, ma soeur, l'avocat, homme frite et une affrite. Et les deux présidents avec moi, ils ont laissé rentrer personne. Juste Bernard, le président de l'Afrique, il est rentré dedans. Il a discuté avec madame Cathy et monsieur Desbouvry. En ressortant de là, il m'a dit, monsieur Nico, il dit, il faut trouver un emplacement dans les environs et ils sont prêts à vous le donner. Mais il faut aller voir l'urbanisme, ceci, cela, etc. Mais quand on a demandé d'aller voir l'urbanisme, pas d'écho. Elle m'a carrément agressé, la dame qui était là-bas. C'est politique, elle commençait à crier, elle ne voulait rien savoir, elle m'a montré un plan. Ça a duré même pas 20 secondes, elle a refermé. Enfin, quoi, quelle histoire de dingue. Bon, Nico, c'est une histoire de fou, quoi. Mais il faut qu'il y ait une suite de ça et j'aimerais bien savoir la suite de tout ça parce que ça peut pas, on peut pas laisser faire les choses comme ça. La commune n'a pas tout pouvoir, quoi. Et je voulais encore te demander un truc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, pour t'aider, pour si on entend cette émission, hein, J'ai aucune idée. Maintenant, je me suis mis ces gens à dos. Hein. Maintenant, je me suis mis la commune à dos parce que je dénonce. Je dois laisser ça normalement aux avocats. Mais là, je dénonce leur abus, leur agissement. Mais t'as raison. Mais de toute façon, les avocats vont démontrer que ce que tu dis est juste. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a des règles, des lois. On peut pas faire n'importe quoi. Tu peux être le plus grand criminel. Maintenant, il y a plusieurs snacks ou il y a plusieurs cafés où tu peux pas passer devant, où tu sais qu'il y a à vendre des drogues, tu sais qu'il y a à vendre des armes, tu sais que ceci, cela. Et il n'y a rien, tout se passe bien. Il y a un blanchiment d'argent énorme sur cette ville. Il y a des plaques tournantes à gauche, à droite. Traite des blancs, ceci, cela. C'est flagrant. Je vais taire les noms. Ici à Bruxelles, quoi. Bien sûr. Je tairai les noms parce que c'est pas le but. Et tu viens braquer. Une friterie. Mais c'est déjà honnête. On va où? Mais il aurait pu ne pas t'avoir payé 1 an, 2 ans, ce gars-là. Mais tu peux pas lui détruire toute sa vie. Il peut ne pas payer pendant 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça se peut que le gars ne t'a pas payé 1 an. Ça se peut que le gars ne t'a pas payé 2 ans. Et c'était pas le cas. Le loyer. Non, et c'était pas le cas en plus. Hein. Non. Donc. Il n'y a aucune criminalité, je ne m'appelle pas Dutroux, je ne suis pas sa femme Michel, je ne demande rien, j'ai payé mes impôts, j'essaie d'être au truc. Et ils m'envoient 10 amendes par semaine parce que je me garde devant le restaurant, parce que je me garde devant la friterie. Donc on paye en plus et en plus et en plus. On a des amendes pour des plantes, on a des amendes pour ceci. Donc on essaie d'être au plus droit possible. Et tu viens, tu casses encore. Mais attends, je ne sais pas où on vit. Pourquoi t'es fâché, tu fâché ou pas, je crois pas que ça va changer quelque chose. Arrête, il faut pas être fataliste, quoi, parce que sinon on donne tout pouvoir aux gens de faire n'importe quoi, il faut pas... J'essaie d'être serein, c'est tout, parce que je crois que j'ai très mal agi tout ce temps-là, et je crois que j'essaie d'être un peu plus serein, voir les choses et réaliser comment ça s'est passé. Je vous dis mon historique, comment je l'ai vécu. Maintenant, si ils vont prétendre le contraire, et je ne crois pas qu'ils pourront prétendre le contraire, parce que les choses se sont passées comme je voulais, etc. Et il y a des documents qui les prouvent. Donc, nous sommes les petits par rapport... Donc, eux, c'est comme quelqu'un hier dans Facebook. « Ah, mais monsieur, il dit, vous saviez très bien, il dit que vous avez une concession. » Ah, je ne suis pas de la commune, hein. Je ne suis pas de la commune, mais vous savez très bien que vous avez une concession et qu'elle est arrivée à terme. Et, oui, j'ai lu ça sur Facebook. Ouais. Ben oui, ceci c'est une connasse, parce qu'elle a fait un copier-coller de la commune. Oui, elle dit en plus qu'elle ne travaille pas pour la commune. Exactement. Et alors quand tu regardes ses amis, tu vois les agents communaux qui sont dedans, président de tel, etc. Je ne vais rien dire, je ne vais pas lui coller quelque chose, etc. Je vais laisser. Parce que tu ne peux pas critiquer. Tu joues avec la vie des gens, tu joues avec les familles qui sont dans la rue et tu te permets de dire « Ah, la commune a raison. » Mais comment la commune peut avoir raison quand elle jette 5 familles à la rue et tout ton commerce ? Mais des... Et quoi, Nikos, pour terminer, parce qu'après on peut tourner en boucle comme ça, toi tu étais prêt à déménager, même si tu n'avais pas envie, ce n'était pas l'idéal, tu étais prêt à déménager ? Oui. On a demandé à ce sens-là, on a fait un dernier mail, juste la veille qui vient de casser, on a fait un mail, l'avocat il a fait un mail, arrêter toute forme de procédure pour casser, pour etc. Arrêter toute forme, et on va introduire une demande, une autre requête, etc. Arrêter toute forme de truc. Donc, donnez-nous un emplacement. Ils n'ont pas respecté. On avait demandé à ce sens-là encore une fois ou deux. Donnez-nous un emplacement précaire, il n'y a pas de problème. À votre convenance. Et on m'avait dit, au début de cette forêt, il y a un emplacement. En face, il y avait un emplacement. Et il y a toujours cet emplacement-là. J'ai envoyé des photos à Mme Cathy Marcus. Elle ne m'a jamais répondu. Voilà, Mme Cathy Marcus, les photos que vous m'avez demandées. Devant l'épicerie, l'ancienne épicerie, maintenant c'est un café. Elle ne m'a jamais répondu à ces photos. Mais il y a de la place. Il y a 10 mètres aidés sur autant de mètres et sur 2-3 emplacements différents. Et les riverains, ils sont avec nous. Pourquoi nous, on ne nous a pas donné ? Elle aurait pu très bien enlever une place de parking et mettre la caravane en attendant les travaux. Elle n'a pas fait. Pourquoi ? Comme elle l'a fait, pourquoi ils ne le font pas ? Ils ont cassé, c'est mieux comme ça ? Ils doivent rendre compte aux gens. Ils doivent rendre compte à cette famille, à ses familles, à nous, et à tous les riverains qu'ils avaient le soir à tard un paquet de frites pour acheter. Ils avaient 2 euros pour venir manger. Il faut aller rendre compte à tous ces gens-là, à tous les pauvres qu'on a nourris et toutes les générations qu'on a grandies. Il faut qu'ils rendent compte. Il ne faut pas laisser ça. Il ne faut pas que ça passe. Il faut punir. Il faut punir. Ce n'est pas parce que c'est la commune. On est trop petit, hein. En voyant ça, on est trop petit. En voyant ce qui m'arrive à moi. Demain, ça va arriver à une autre personne. Mais il ne faut pas laisser faire, hein. Tu sais, il faut mobiliser les gens, il faut... Tout n'est pas permis au nom de la commune, quoi. Tu comprends ? Quand tu vois ça, c'est permis. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui ont bougé lors de la destruction, quoi. Mais même les gens qui étaient là, il y avait une vingtaine de personnes, mais ils les ont carrément poussés et bousculés. Il n'y a pas de traces ? Il n'y a personne qui a filmé Oui, mais ils n'ont pas laissé filmer. Ils n'ont pas laissé filmer. Dès qu'ils sont arrivés directement, ils ont cherché les gens, coupé le micro, coupé les trucs. Tu ne vas pas faire ton dikenek. Hein. Ils sont occupés à te pousser, à te bousculer. La vieille dame qui était là-bas, ils l'ont bousculé, ils l'ont jeté par terre. Une vieille dame. Mais arrête, mais oui, mais ça, c'est scandaleux, quoi. Donc les gens, ils ont pris peur, ils se sont mis un peu sous les côtés. Alors ils ont commencé à démonter les portes pour entrer dedans. Donc fracasser tout et au revoir, merci. Bon, allez, on arrête parce que sinon on s'arrête plus. Mais dernière chose à dire, Nikos ? On peut te retrouver sur le réseau social si jamais on a envie de causer avec toi. Friterie Fontenas. Friterie Fontenas ou bien sur mon privé, il n'y a pas de problème. Il est apparent, je suis tout à fait apparent, je suis transparent dans mes pages. D'ailleurs, sur ma page ici du restaurant, j'ai 7200 membres dessus. Et j'essaie d'être au top. J'essaie d'être au top transparent possible, ne pas ennuyer les gens. Et le meilleur de mon élément, c'est d'être le propre. Ce que je donne, etc. Donc j'essaie d'être transparent sur ma page, etc. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai 7200 membres. Donc j'essaie de rester serein sur cette situation et laisser ça aux avocats et au peuple de voir s'il y a peut-être un bon retour de la commune qui disent « Ah, on a fait une erreur », qui se rendent compte qu'on n'était pas les bonnes personnes, on ne devait pas nous viser comme ça. Je m'appelle ni du trou et je n'ai rien fait de mal, et ni le personnel. Personne, on n'est pas des criminels, on aurait pu agir différemment avec nous. On aurait pu donner une poussette et dire « Va, installe-toi là-bas et vends des frites, il n'y a pas de problème, vas-y, continue à gagner ton pain ». On aurait pu très bien. Non, on nous a jetés, on nous a fracassés. Merci Nikos. C'est moi qui vous remercie.